Psaume numéro 141. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Je répands devant lui ma plainte. Devant lui, je dis ma détresse. Lorsque le souffle me manque, toi, tu sais mon chemin. Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. Regarde à mes côtés et vois. Personne qui me connaisse. Pour moi, il n'est plus de refuge. Personne qui pense à moi. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai dit, tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants. Sois attentif à mes appels, je suis réduit à rien. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. Autour de moi, les justes feront cercle pour le bien que tu m'as fait.